Vendredi 5 mai, bienvenue aux différents sur les ondes de CKRL au 89.1. Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10h. Et puis ce matin, gros tabou, gros préjugé, puis j'ai un invité devant moi. Je vais élever tout de suite le micro, tiens, parce que je fais pas d'intro ce matin. La semaine passée, je me suis étouffée en présentant mon... Tu réécouteras. Et... on parle d'un gros tabou, on parle d'un gros préjugé ce matin, on parle d'argent. Vous l'avez entendu, encore? François Bégin, générateur et non de publicité, parce que c'est quasiment un running gag à nous deux. Mais générateur de liberté. Salut Mélanie! Salut! Comment ça va? Est-ce que tu te sens libre ce matin? Pas du tout. Non. Le sujet, je me sens pas libre. Mais je pense que tu vas réussir à nous libérer de nos préjugés. On va te donner cette pression-là ce matin. Je le souhaite. Pour les auditeurs, t'es un animateur à CKRL. Oui, pour l'émission. L'émission, ça ne tombe pas du ciel. Le mardi matin, même heure que ton émission, mais moi le mardi. Toi le mardi. Et puis, t'es conférencier aussi. Conférencier, j'ai écrit un livre sur les finances personnelles qui s'appelle « Boxeur, nouilles chinoises et finances ». Pourquoi les trois? Parce qu'au secondaire, on m'a eu... Je pense qu'on te la pose souvent, on va te laisser aller. Oui, au secondaire, j'ai eu la chance d'apprendre à coudre des boxeurs et faire des nouilles chinoises dans mes cours d'économie familiale. Donc, merci gouvernement. Grâce à toi, j'ai pu sauver beaucoup d'argent. Et puis, on m'a pas appris grand-chose, bref, sur la gestion des finances personnelles. Je suis un ancien banquier. Je m'amuse à dire que j'ai troqué ma cravate pour un micro. Donc, mon micro de conférencier ou d'animateur radio, je m'amuse beaucoup dans la vie. Puis, ça fait un an là, que j'ai quitté mon emploi pour faire ça. Un an. Ouais, je suis fou. Je suis fou comme on ça. On quitte un emploi, on part comme ça. On part, c'est ce que tu as fait. On s'écoute à un moment donné parce qu'il y a des petites voix à l'intérieur de nous qui nous parlent très fort. Quand on les repousse, ces petites voix-là, elles finissent par revenir à la charge. Fait que, ouais, j'ai écouté mon instinct, mes guts, ma passion, puis je me suis lancé dans le vide sans parachute. Ben, avant qu'on arrive à ce point-là, toi, ton parcours, t'es banquier. Ouais. T'as été banquier pendant combien d'années? Près de 10 ans. Carrière bancaire à différents niveaux, mais principalement dans ce qu'on appelle le financement hypothécaire résidentiel. OK. C'est-à-dire que j'ai accompagné des gens qui voulaient acheter leur maison, refinancer, renouveler leur hypothèque, consolider des dettes. Et puis, j'ai terminé ma carrière dans ce qu'on appelle le prêt alternatif. Donc, si la banque vous refuse votre financement, bien, sachez qu'il existe des alternatives. C'est ce qu'on faisait dans le prêt alternatif, mais ça coûte très cher. Ça coûte 10, 12, 13 % d'intérêt sur une hypothèque. Mais au lieu de tout perdre, bien, des fois, c'est une solution qui est intéressante sur un horizon court terme. Là, tu parles de maison, tu parles d'immobilier. Oui. Quand tu faisais des prêts, si, admettons, on donnait un montant X... comme plafond, est-ce que les gens allaient justement vers le plafond où il était plus raisonnable? Qu'est-ce que tu entendais dans le bureau par rapport à ça? Moi, je te dirais, je l'ai vécu souvent, surtout des jeunes qui ont préqualifié, exemple, pour 300 000. Mm-hmm. Donc, la banque acceptait jusqu'à 300 000. Ben, l'offre d'achat rentrait à 300 000, à 295 000. Comme par hasard, il y avait une maison qui plaisait, qui était dans ben ces oui, prix-là. Ben oui, calons ça. Mais c'est parce que la banque, elle, faut comprendre qu'elle est là pour faire des profits. Hein? La banque, à la fin de la journée, c'est bien beau qu'elle te dise « oui, t'es accepté », mais c'est pas elle qui va faire les paiements à ta place. C'est pas pour être gentil là, qu'elle dit ça. Ben, c'est payant pour la banque d'autoriser un plus haut montant. Fait que bon, les ratios d'endettement qu'on appelle l'ATD, ça c'est normalisé par le gouvernement. Le gouvernement accepte ça, dit « regarde, le plafond, c'est X pourcentage. Présentement, c'est 40. Ça peut monter jusqu'à 42 ou 43 si c'est un bon bureau de crédit. Mais ça, le gouvernement l'entérine, puis les banques ben, l'appliquent finalement parce que plus ils prêtent, plus c'est payant pour elles. Avant qu'on rentre vraiment dans les préjugés, ton rapport, toi, avec l'argent, ça a été comment? C'est quoi exactement? Parce que tu t'en vas travailler vers l'argent, là, tu écris un livre, tu fais des conférences, t'animes, tu parles d'argent tout le temps. Ouais, je suis pas mal tout le temps là-dedans. C'est bon. Mais c'est quoi ton rapport avec l'argent, toi? Mon rapport, c'est une bonne question, Mélanie. Mon rapport avec l'argent, moi, il évolue. Il a évolué beaucoup. C'est sûr qu'en quittant mon emploi de banquier, je suis tombé par la force des choses rapidement dans, OK, mais là, financièrement, comment ça va aller? Puis la frustration était pas loin, là, sur le bord du précipice, finalement. Là. Mais je me suis entouré de bonnes personnes. J'ai rencontré mon associée, Aline Tardy, qui donne du coaching, de la formation sur la relation à l'argent. J'ai appris à connaître mon profil de personnalité financière pour voir, moi, comment je réagis face à l'argent. Tu sais, on se dit, il y a souvent des chicanes face à l'argent, hein, que ce soit par rapport à un couple, un associé. Il faut pas en parler. Ah, c'est tabou, on n'en parle pas. Non. Mais s'il y a des chicanes, c'est souvent parce qu'on ne se connaît pas. On ne sait pas comment qu'on réagit face à l'argent. Puis, on réagit tous différemment. Ben oui. Tu sais, ton émission, c'est les différents. Ben, il y a différentes façons de réagir à l'argent. Puis, oui. Tu peux être un accumulateur. Toi, tu n'as pas de problème à en mettre de côté. Ou comme moi, un grand dépensier. Moi, d'en dépenser, j'ai pas de problème. Toi, t'es le profil célébrité. La célébrité qu'on appelle, exactement. Donc, c'est drôle. La célébrité, c'est... Le compte de banque n'est pas toujours le reflet de qu'est-ce que tu projettes finalement. Mais c'est ça, mais c'est, je le vis ça. Mais ben, tu tombes sur un tabou direct là. Ben oui. Tu tombes pile poil dessus. C'est vraiment tu as de la visibilité, donc ton compte en banque il doit être visible des banquiers aussi là. Il doit être beau, il doit ben être... Oui, ben oui, j'ai dit à un de mes chums la semaine passée, il me disait, comment ça va, toi, tes affaires, ça, je te vois partout, puis tout ça, oui, je te vois partout, puis tout ça, attends un peu, là, buddy, là, moi, j'essaie de vivre de conférences puis de livres, on s'entend que ça arrive pas du jour au lendemain. Dans sa tête, j'étais indépendant de fortune, j'avais pas besoin de travailler. Alors... C'est fou des fois, la perception des gens, tu sais, alors ben que oui. C'est pas vrai, là. J'ai jamais eu moins d'argent que ça de toute ma vie, tu sais. Je gagnais pas mal plus bien ma vie quand j'étais banquier que quand j'ai un micro ici à CKRL. On sait qu'on est tous bénévoles. Mm-hmm. Mais mes conférences, oui, OK, c'est correct des conférences, mais du jour au lendemain, je fais pas 300-400 conférences par année, là. Ben non, mais tu viens de le dire, justement, le côté bénévole, ça me fait penser. De mon côté, je me suis fait approcher aussi pour me dire hey, « Écoute, ça va bien tes affaires, on t'entend à la radio, c'est le fun, mais les auditeurs, ceux qui sont habitués à CKRL le savent, mais ceux qui le savent pas, admettons, qui sont... moi, j'ai beaucoup de gens à Montréal, ils pensent que hey, je fais la grosse fortune en radio. Non, non, c'est bénévole, on est là parce qu'on aime notre sujet. On est des passionnés, on est des exact. Passionnés complètement. Mais le regard face à l'argent des gens... En général, je vais y aller avec ce que tu as entendu et ce que tu vois aussi vraiment autour de toi, puis aussi au niveau de la société. On a les enquêtes, par exemple, de l'UPAC. On a la commission Charbonneau qu'on a eue. Les primes chez Bombardier, après que le gouvernement ait aidé à partir d'un fonds, tu pourrais plus me décrire, mais ben, vraiment à partir de l'argent des Québécois. Puis après ça, il y a des primes qui sont énormes. Les gens sont révoltés. Les gens sont révoltés généralement au Québec par rapport à l'argent. Il y a vraiment un écart entre les riches. Moi, je me rappelle, je me suis promenée sur la rue. Où est-ce qu'il y a un gars, il se promène, il y a un beau char, puis il y en a un qui l'a regardé, il a fait un doigt d'honneur. C'est mal vu, l'argent. Mais c'est sûr que plus on creuse un écart entre les riches et les pauvres, puis moins ça favorise justement ça, l'acceptation d'un côté ou de l'autre. C'est triste parce que l'argent, puis c'est un tabou qu'on entend souvent, tu sais, les gens qui ont de l'argent, c'est des crosseurs. On entend ça souvent. Ben oui. Ah, ben lui, on sait bien, ses parents étaient là avant lui, il a eu tout cru dans le bec, il a un beau char, il doit vendre de la drogue. Tu sais, ça, c'est vraiment là, ancré profondément. Le problème, c'est que quand on dit ça, admettons que moi, je suis la personne qui fait le finger à la personne qui passe dans la rue avec une belle voiture. Ce que je suis en train de dire, finalement, c'est de l'argent, c'est de la merde. J'en veux pas. Ben oui. Tu sais, je suis en train de m'exprimer en disant, toi, t'es un crosseur, t'as de l'argent, t'as réussi, c'est de la merde de l'argent, moi, j'en veux pas. Mais quand tu fais ça, tu t'exclus toi-même d'un système qui, malheureusement, il fonctionne comme ça, notre système. Y a-tu de plus en plus l'écart entre la classe moyenne et la pauvreté se rapetisse? On dirait qu'il y a juste deux classes, la moyenne pauvre et la riche. La classe moyenne tend à disparaître, effectivement. Les chiffres montrent ça. Les chiffres montrent aussi que ben, les pauvres, leur niveau de pauvreté, si tu veux, ou leur niveau de richesse reste le même. C'est-à-dire que le coût de la vie augmente, mais eux, leur salaire augmente pas nécessairement. Mais d'un autre côté, au niveau de l'extrême, ben, les gens qui ont de l'argent en ont de plus en plus de l'argent. Mais bon, on parle souvent de pourcentage, on dit le 1% de la société, mais le 1% de la société, il y a un pourcentage de ces gens-là qui s'en foutent éperdument, là. Tu sais, qui sont dans leur bulle, font leurs affaires, puis tout ça. Puis ça, ben, c'est ce qu'on voit je te dirais un peu l'ancienne garde, parce que de plus en plus, la nouvelle génération qui pousse se soucie du 99%. Mm-hmm. Tu peux être entrepreneur, gagner très bien ta vie, puis avoir un esprit de philanthropie, redonner. On en voit beaucoup des entrepreneurs qui redonnent. Puis c'est un modèle qui est de plus en plus inspirant, puis je pense que les jeunes, la nouvelle génération qui s'en vient, va s'en aller de plus en plus vers là. Bien, ça tend à augmenter. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais j'aimerais ça rester vraiment dans les tabous. On peut pas dire quand on a de l'argent qu'on en fait. On a juste le droit de dire qu'on se débrouille, qu'on est correct, qu'on va... pourquoi qu'on a autant de misère? Toi, quand tu voyais les gens arriver, même si tu étais en immobilier, reste que tu voyais comment une banque fonctionnait, tu voyais les gens, t'es rencontrés, tu voyais aussi leur façon d'être mm-hmm. avec l'argent. Pourquoi qu'on se débrouille, mais rendu chez le banquier, on en cache aussi? Mais en fait... Ça, tu dois t'être fait faire ça, à un moment donné. Oh, ça va bien, parce qu'ils voulaient un prêt, puis finalement, ben, tu grattais, puis tu voyais que la cote de crédit n'était pas nécessairement belle. Ben moi, j'ai eu des clients dans mon bureau médecins qui gagnaient 400-500 000 par année, puis que les finances personnelles, c'était zéro. Là. Mm-hmm. On parle de faillite, on parle de mauvaise gestion, de retard sur des cartes de crédit. Donc, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu gères bien tes finances. Mm-hmm. Tu peux gagner 100 000 par année, puis être plus pauvre que quelqu'un qui en gagne 20. Parce mm-hmm. que tu as un train de vie comme quelqu'un qui en gagne 200, ça marchera pas à la fin de la journée. Ben non. Fait que moi, mon titre de générateur de liberté, il est venu de là. C'est de dire, ben, c'est pas une question de richesse. C'est une question de gestion de tes finances, premièrement, de t'en occuper, parce que bien des gens s'en occupent même pas. Hein, on se dit, ah, ben, ça va se gérer tout seul, ça, là. Tu sais, moi, je suis pas au courant. Tu sais, on ferait un vox pop dans la rue, là, on demanderait aux gens combien vous gagnez. Ça, on serait surpris. Il y a du monde qui savent pas combien qui gagnent. Il y en a qui savent combien qui gagnent dollars, mais qui savent pas annuellement ça fait combien. Puis, surtout, combien vous dépensez. Votre argent va où? C'est quoi le pourcentage de ton argent qui sert à payer ton logement, ta voiture, ton épicerie, tes cartes de crédit, etc.? Est-ce que tu vis à crédit? Parce que la société, on se le cachera pas, elle favorise ça. Acheter maintenant, payer plus tard, là, on voit ça partout. Tellement. Là, c'est la période des pneus d'été, là, c'est le temps de changer vos pneus d'été. Bien là, vous pouvez payer un pneu par mois. Mais c'est cave parce que l'année passée, l'hiver passé, quand ton garagiste a installé tes pneus d'hiver, il te l'a dit. « Hey, Mélanie, tes pneus d'été sont finis. Ce serait le temps que tu t'en achètes d'autres pour l'été prochain. » Fait que tu as eu peut-être 6 mois pour te mettre de l'argent de côté. Fait que rendu là, toi, tu sais que tes pneus sont finis, tu n'as pas mis d'argent de côté, tu arrives le temps d'avoir des pneus, tu n'as pas une scène, tu mets ça sur ta carte de crédit, tu payes ça à crédit. Mais c'est qui t'enrichit pendant ce temps-là? Les banques, là, puis toi, tu t'appauvris de plus en plus. Donc, autrement dit, tu es en train de dire qu'on... En enrichissant les banques, en faisant ça, on s'appauvrit, puis on continue à répéter le même scénario. C'est un cercle vicieux tout le temps. On épargne de moins en moins, donc on a recours de plus en plus au crédit, ce qui nous coûte de plus en plus cher. Il en reste de moins en moins dans notre compte de banque. Fait que, tu sais, c'est un cercle vicieux. Ouais. C'est de la faute à qui? On peut blâmer les banques, hein, les méchantes banques. Oui, mais les banques, c'est une entreprise, une banque, elle est là pour faire du profit. Mm-hmm. On peut blâmer le gouvernement. Ah, on a des cours d'économie familiale, on a appris à coûte des boxeurs. Ouais, OK. On peut blâmer nos parents. Mm-hmm. Ah, mes parents m'ont pas appris grand-chose à cause... Ouais, mais à la fin de la journée, là, c'est votre responsabilité individuelle à tous et chacun. Si on veut vivre dans un monde meilleur, là, ben, ça commence par nous-mêmes. Assurons-nous que nous, ça aille mieux, que nos finances se portent mieux, puis après ça, le reste va en découler. Là. Mais si on assumait qu'on avait plus... qu'on aimait l'argent, si on était capable au Québec de l'assumer, je pense que ça aiderait un petit peu, mais c'est parce qu'on tombe vite... D'accord. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on tombe vite dans « Ah, il aime l'argent, donc... » Il est méchant. Il est croche. Ses valeurs sont pas à bonne place. Fait qu'on dirait qu'on a comme pas le droit d'aimer. Puis, on peut-tu aimer ce que l'argent nous procure? Ben l'Église, je pense qu'elle est encore très présente. Même si on va plus à l'Église autant que nos parents, grands-parents, je pense que c'est encore... Dans notre cerveau, c'est encore pris, là. Ouais, dans notre ADN, là, tu sais. Carrément. L'argent, c'est mal, gagner son ciel, la quête, tout ça, oui, c'est dans... La dîme, avec le 10% qu'il fallait donner à l'époque. On s'éloigne de ça de plus en plus. Je pense que, né pour un petit pain, les jeunes là, que moi je jase, les jeunes entrepreneurs, ils n'ont pas ça. Là, je pense que c'est quelque chose qui s'en va tranquillement. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais reste qu'on est quand même pogné dans une société que pas tant que ça. C'est moins pire qu'en France. En France, c'est sûr que l'argent, c'est vraiment encore plus tabou. Ah ouais, là-bas, tu te fais vraiment juger quand tu réussis. Là. Ici, c'est quand même... On est-tu à mi-chemin entre les États-Unis et vraiment la France? C'est pas mal mon feeling, Mélanie. C'est milieu, là. Aux États-Unis, où est-ce qu'on va faire, dans le fond... C'est un signe de réussite. La promotion de ça, tu sais, l'American Dream, la grosse voiture, la grosse maison, tu sais, Think Big, c'est vraiment comme ça. On le voit avec le nouveau président, Trump, qui se cache pas. Il a été élu, finalement? J'en ai entendu un petit peu parler. Hey, écoute, j'ai reçu des menaces parce que moi, j'aimais beaucoup ses émissions dans le temps, puis j'avais liké sa page. Fait que là, j'ai reçu des menaces. « Hey, tu likes la page de Donald Trump! » Ouais, mais là, c'est pas nécessairement le politicien que je supporte plus que le gars de télé. Non, c'est un autre... Mais côté argent, il s'y connaît. On va prendre une pause, on va aller en musique, puis on va revenir. J'aimerais ça t'entendre sur l'éducation. Comment est-ce qu'on peut intégrer ça à nos jeunes? C'est de la merde, sortez vos enfants des écoles! Non, c'est pas vrai. On en reparle. Petite vie, petite misère, hein? Je t'ai trouvé ça, une chanson qui parle de nos croyances québécoises, François? Vraiment. Salut, Rudy Caillas, si tu nous écoutes... C'est bon du vilain pingouin, c'est toujours bon. Ben oui, c'est bon du vilain pingouin, mais j'ai mis ça justement parce que c'est les mythes qu'on parlait. On est né pour un petit pain, petite vie, petite misère, comme dans le thème, comme dans le titre de la chanson. L'argent, c'est sale, l'argent, c'est pas beau, tout ça. Mais ça vient de l'éducation. Ça vient de l'éducation qu'on en a eue. Puis à l'école, tu parlais, toi, avec ton livre, justement, « Boxeur, nouilles chinoises et finances », tu parles où est-ce que, Claudette, si je me trompe pas. Oui, exact. Claudette est bien fine. Notre prof d'économie familiale. Tu sais, tu fais des bonnes nouilles chinoises maintenant, puis peut-être que tu fais toi-même tes propres boxeurs, mais est-ce que... T'as appris à faire ton budget? Non. C'est ça, exact. Non, c'est ce qu'on veut instaurer là, dans les écoles, mais il y a l'air à avoir de la chicane là-dedans. Ben oui, ça n'en finit plus, ce dossier-là. Le ministre de l'Éducation, il a annoncé une espèce de bombe dans le milieu. Il a dit, à partir de septembre, obligatoire retour des cours d'éducation, tu sais, finances personnelles. Bon. Là, il y a eu un tollé, le syndicat des profs s'est levé contre ça. Premièrement, ce qu'ils commençaient à dire, ça faisait du sens, puis moi, ma femme est enseignante, fait que j'ai un grand respect pour les professeurs. Au début, c'était, vous commencez à nous mettre ça dans la gorge tout de suite, mais on sait même pas qui va les donner ces cours-là. Nous, on n'est pas prêts, tu sais, on peut-tu faire ça intelligemment? Bon, là, ça se tenait, ce discours-là. Ça a dérapé tranquillement sur... On veut pas faire la promotion de l'argent, de ces valeurs-là. Nous, on trouve, dans le fond, que on est correct de même. On n'a pas besoin de ce cours-là. Attends un peu, là. Parce qu'il y a un lien direct, là. Le dénominateur commun de mes clients, que je te disais tantôt que j'ai fait du financement alternatif, là, du prêt privé, le dénominateur commun, c'était le manque d'éducation. Ce qui fait que tu te ramasses dans merde, tu te ramasses que... T'as une faillite qui te pend au bout du nez, t'es en train de perdre ta maison, t'es surendetté. C'est, dans la majorité des cas, le manque d'éducation. T'as pris une mauvaise décision qui t'a lidé à une autre mauvaise décision qui t'a amené à une autre. Je salue un ancien collègue, Sylvain Labelle, qui est courtier hypothécaire. Chic type. Sylvain me disait, lui, il aimait ça, servir ses clients-là de prêts alternatifs, puis il me disait, moi, ce que je dis aux clients, François, c'est les décisions que vous avez prises jusqu'à maintenant font en sorte que vous avez besoin de ce financement-là aujourd'hui. C'est un reality check, ça te ramène à la réalité de dire, c'est chiant de se faire dire ça. Oui, mais ces clients-là, il faut les brasser un peu. Parce que ils ont souvent, ce qu'on observait, c'est la pensée magique. Ah, tout va se régler tout seul. Tu reçois un avis de 60 jours, tu te mets la tête dans le sable. Ah, tout va se régler tout seul. Ma banque va gérer ça. Non, ta banque ne va pas gérer ça. Elle est en train de vouloir reprendre ta maison. Puis au jour 59, tu sais là où est-ce que tu réveilles. C'est ça, exactement. Puis tu as peur aussi. Parce qu'on est toutes comme ça, à quelque part. C'est lourd, parce que c'est pas vrai que ça existe, la pensée magique. Tu sais, mon émission s'appelle « Ça ne tombe pas du ciel », mais c'est ça. Tu sais, wake up, là, ça va pas arriver tout seul du jour au lendemain. Non. Tu seras pas riche du jour au lendemain. Tu vivras pas sans dette du jour au lendemain, tout seul comme ça, sans rien faire. Mais si t'es riche du jour au lendemain, c'est parce que t'as joué à l'Auto 49, puis 6,49, hey, puis ça, là, ça passe dans le journal, puis il y en a pas toutes les semaines, mais à tous les jours. Ce qu'on voit pas, c'est ceux qui s'appauvrissent à cause de ça. Exact. Parce que d'un côté, on n'épargne pas, mais on est les plus grands joueurs de loterie au Canada. Mais on est ceux qui épargnent le moins. C'est quoi cette pensée magique-là au Québec, là? T'sais, on pense que ça va nous arriver justement comme ça, les belles histoires à succès de « j'ai gagné à la loterie ». Est-ce que c'est pas plus valorisé, selon toi, de l'avoir comme ça, par hasard, l'argent, que de le gagner en ayant travaillé? Il me semble, c'est... On est très paradoxal. On est un peu... Mais il me semble que facile à... La personne écoute, qui gagne. Ça m'est tombé du ciel. Ouais. J'ai eu cette chance-là. On dirait que c'est mieux vu que travailler fort. Tu m'as pas vu travailler, mais j'ai travaillé fort puis je fais de l'argent aujourd'hui. Tu vas quand même te faire étiqueter par la société. Tu vas quand même finir par te faire juger par les autres. Tu vas quand même tomber là-dedans. Il y a du monde qui pète plus haut que le trou, comme on dirait en bon québécois. Exactement. Il y a du monde qui vont. Tous tes amis vont t'approcher pour te demander de l'argent. Tes nouveaux amis qui étaient des anciens amis. Exactement. Fait que tu vas finir par passer dans le tordeur pareil. Parce que si t'en donnes pas. Ben oui, c'est là où est-ce que, si admettons, tu veux faire des placements, parce qu'il y en a là qui réagissent bien quand ils gagnent une somme à la loterie. Comme M. Lavigueur? Non. Okay. Ça, c'est vraiment pas l'exemple que je veux te donner. Mais il y en a qui réagissent quand même bien, qui se disent, ben écoute, moi, je vais continuer à travailler, je vais en mettre de côté. Je dis pas que c'est une majorité, je dis pas que c'est une minorité, je connais pas ces chiffres-là. Mais par contre, ceux qui veulent vraiment faire attention à leurs sous, à ce qu'ils ont gagné, parce qu'ils savent la valeur de l'argent... Ben, ils se font regarder tout croche, puis il y en a même qui se font rejeter de la famille parce qu'ils n'en ont pas donné assez. Ouais. Ben là, c'est là où est-ce qu'on voudrait l'argent des autres, mais c'est vraiment bizarre au Québec. Je sais pas toi. En fait, on pense à la base que l'argent change les gens. Tu sais, ça, c'est vraiment ancré dans ce qu'on pense, dans les tabous, là. T'amènes un bon point, oui. Hein, l'argent te change, tu sais. Fait que c'est un peu pour ça qu'on a peur d'en gagner de l'argent, parce qu'on se dit, si je commence à faire de l'argent, moi, je voudrais pas devenir hautain, renier mes amis, puis tout ça. Moi, là, je regrette, je suis pas d'accord avec cette idée-là. L'argent vous changera pas. L'argent va vous amplifier qui vous êtes. C'est ce que j'allais te poser. Si t'es un crosseur à la base, ben avec plus d'argent, plus de moyens, tu vas être encore un plus gros crosseur. Parce que tu vas être capable de fourrer plus de monde. Si t'es une bonne personne, généreuse de ton temps, de ton argent, que tu t'impliques, que tu fais du bénévolat, l'argent va te permettre d'en faire plus de ça. Fait que l'argent, c'est pas une fin, c'est un moyen. Ça te permet de réaliser plein de belles affaires. Mm-hmm. Moi, je dis souvent que l'argent, c'est de l'énergie. Ça appartient pas plus à moi qu'à toi, qu'au voisin, qu'au gars qui se promène dans la rue ici. Tout le monde a le droit d'en avoir. C'est du monopoly, quasiment. Ben, c'est virtuel, là, tu sais. Ça existe pas. Ça existe pas. C'est intangible. Fait que... Ça a remplacé la fourrure qu'on troquait dans le... Oui. Ben là, c'est pire que ça maintenant parce que on dit mais là, t'as de l'intérêt à cette heure. Oui, mais on dit qu'il n'y a pas assez de... Tu sais, parce qu'on dit que l'argent, à la base, c'était backé par des ressources naturelles, là, derrière ça, des valeurs. On dit qu'il n'y a plus assez de valeurs dans la Terre pour équivaloir le nombre d'argent qui est en circulation, qui a été imprimé. Ça, c'est problématique. On spécule, on dit que les réserves d'or des plus grandes nations sont vides. On le sait pas, on n'est pas allé vérifier ça. Mais il y a plein de spéculations par rapport à ça. Puis, parallèlement à ça, ben il y a des systèmes qui s'organisent en parallèle. Il y a de la nouvelle monnaie qui pousse. Avez-vous entendu parler du demi? Ça, c'est pas en Gaspésie, est-ce qu'on prend le billet de banque, on le coupe en deux pour qu'il déchire. Reste pour favoriser l'économie locale. Exactement. Donc, ton demi, tu peux le réinjecter dans l'économie locale seulement, tu peux pas le sortir. Fait que c'est des belles... C'est Patrick Dubois, c'est un gars que moi, j'ai côtoyé ça un peu à Québec, qui est retourné là-bas. Mais c'est Pat qui a démarré ce concept-là là-bas. C'est capoté, ça, là parce qu'on réinjecte dans l'économie, on s'entraide, tu sais. Tu sais, la caisse populaire, à l'époque, là, moi, mon grand-père a fondé la caisse pop dans mon quartier où j'ai grandi. Ça ressemble à ça aujourd'hui. C'était des valeurs d'entraide, de partage. On s'entend qu'aujourd'hui, c'est les pires crosseurs, là, tu sais. Puis c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce que ils veulent faire du profit pour leurs actionnaires, puis c'est ça, pareil, tu sais. Fait que on est rendu dans une entreprise, puis oui, elle s'appelle encore une coopérative, mais on n'est plus trop en mode coopératif, là, on est en mode profit. Puis c'est comme une banque, c'est pas mieux qu'une banque, c'est pas pire qu'une banque, c'est comme une banque, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas des grands méchants, là. Souvent, on les dépeint comme des grands méchants. Non, c'est pas des grands méchants. Mais si je reviens à l'éducation, est-ce que c'est pas par rapport, justement, à ce manque d'éducation-là, de savoir ce que c'est qu'un crédit, de savoir ce que c'est juste signer un chèque? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est de plus en plus virtuel, mais donne un chèque à un jeune, puis même à des personnes d'en trentaine, il y en a qui savent pas signer un chèque. Il y en a qui savent pas où est-ce qu'ils vont le signer. Est-ce que c'est à gauche ou est-ce que c'est écrit pour et ou à droite? Pas sûr. Moi, je pense que ça a commencé à déraper quand on a eu l'avènement de la carte de guichet. Parce que si tu te rappelles avant ça, de la façon que ça marchait, fallait que tu te rendes à ta banque, fallait que tu te rendes au guichet pour retirer de l'argent. Puis là, tu faisais quoi? Tu faisais la mise à jour de ton relevé bancaire. Tu rentrais ça dans l'enfant, puis ça imprimait. Tu étais rendu où dans ton relevé bancaire? C'est ça. C'était la madame qui te faisait ça. Bon. Fait que tu étais connecté avec ton solde bancaire parce qu'il fallait que tu ailles retirer de l'argent. Puis que à toutes les fois que tu allais retirer, tu voyais ton solde. Puis tu savais combien d'argent qui te restait. Puis quand tu mettais 100$ dans ton porte-monnaie, ben tu voyais les billes fondre à vue d'œil. C'était physique. Il y avait quelque chose de physique. Ouais. Là, c'est virtuel. Puis on a ajouté à ça, tu vas peut-être rire, là. Tu vas peut-être rire de moi, François. C'est pas grave, je suis habitué. Les Dollarama plus une carte de guichet. Sais-tu combien est-ce qu'il y en a qui dépensent des prix de fou? On réduit les prix, on achète plus, on a une carte virtuelle, on a une carte de guichet, en fait. Mais on arrive à la caisse, on fait le saut. Il y en a combien des gens qui font le saut comme ça? Ouais, je voudrais faire une étude là-dessus. Je sais pas c'est à quel point le Dollarama... Ben, c'est juste une pièce, c'est juste deux pièces. Mais ça fonctionne comme ça aussi avec les meubles qu'on achète payés en 60 mois, 72 mois. Ça, c'est drôle, ça, parce que on voit souvent des annonces, tu sais, ça dit 0% pendant 36 mois ou taxes payées. Attends, je vais te répéter ça. 0% pendant 36 mois ou taxes payées. 0% pendant 36 mois ou taxes payées. Ça veut dire, les taxes, c'est 15% de taxes, que si tu payes pas cash, donc si tu payes cash, tu vas avoir taxes payées, fait que c'est 15% de rabais, on s'entend. Ben oui. Mais si tu le finances pendant 36 mois, il essaie de te faire croire dans cette petite phrase-là que c'est 0%. C'est pas 0%, c'est 15%. Ben oui. Fait que le prix du bien est gonflé. On a mis dans le prix, mettons, de ton meuble que tu payes 300$. On a mis le 60$ d'intérêt dedans. Fait que le meuble vaut pas 300, il en vaut 240. Mais je te le vends 300 parce que je t'offre 36 mois, 0% d'intérêt ou taxes payées. Ça paraît mieux. Ça paraît mieux, mais on est rendu comme ça. On se pose plus de questions. Tout est basé de même. Tu achètes une voiture, OK? Premièrement, c'est plus des paiements mensuels, c'est des paiements à la semaine. Parce qu'au niveau marketing, c'est beaucoup plus petit, 50 que 200, ben right? Oui. Fait que là, nous, notre cerveau fait comme, c'est 50, c'est pas cher. Premièrement. Deuxièmement, souvent, les petits caractères, ça dit... modèle de base. 4 500$ de rabais. Ouais. Si tu payes cash le véhicule ou 0% d'intérêt. Toi, ce que tu vas voir dans la vitrine, c'est le gros 0%. Tu dis, c'est intéressant. Mais si tu payes cash, 4 500$ de rabais. Fait que c'est pas 0%, c'est 4 500$ de frais d'intérêt cachés dans le prix du char. Mm-hmm. Mais ça, c'est des pratiques commerciales de plus en plus présentes. Souvent aussi, ils vont mettre le modèle de base. Ouais. Le plus de base possible. Ouais, ouais. Fait que là, tu arrives, tu fais comme, ben là, moi, je veux telle affaire, je veux telle option. C'est possible d'avoir un volant, s'il vous plaît. Oui. Ça serait pas pire. Mais t'ajoutes, tu fais, là, à un moment donné, t'ajoutes, ça revient au principe du Dollarama. C'est ça que je te dis. Ben, tu rajoutes, c'est juste un peu plus, exact. C'est juste une pièce si je rajoute l'air climatisé. Là, je dis des chiffres comme ça, je suis pas vendeur d'auto, je suis pas vendeuse du tout, là, même. T'es pas assez crosseuse. Tu peux passer. Ça, c'est un autre mythe. Je suis un ancien vendeur d'auto, fait que j'ai le droit de le dire. Non, t'es un ancien. Non, mais je n'étais pas un vendeur de voitures usagées. Ça, c'est les pires, ceux-là. Moi, je vendais des voitures neuves. On va aller en pause. On va continuer la conversation sur l'argent. Puis, j'aimerais ça t'entendre sur l'entrepreneuriat. Ah, aussi. Oui. prochain thème, l'entrepreneuriat. Puis ça a l'air que c'est super payant, puis c'est facile, facile. Mais hein, si vous voulez être riche demain matin, là, rapidement, lancez-vous en affaires. On en reparle. On va voir si c'est vrai. On est de retour à l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous jusqu'à 10h. Il reste moins d'une demi-heure. On a dépassé François. Je suis avec François Bégin, générateur de liberté et animateur aussi à CKRL, entre autres, parmi toutes les types de branches que tu as. T'en as tellement plein de conférenciers, auteurs. À quand un deuxième livre, François? C'est dans ma tête. Ben, c'est correct. Écoute, le premier a pris 18 mois à écrire. Mais il va parler d'argent, mais il va parler plus de relations à l'argent, encore plus. Je veux vraiment plonger dans le savoir-être, dans le fond. Mon premier livre est un mix de savoir-être et de savoir-faire, puisque je voulais pas juste faire un livre de savoir-faire, il y en a tellement. Fait que j'amène les gens à se questionner, à se mettre dans un état d'esprit positif pour attirer plus d'argent, oui. Je parle évidemment de pratiques, de bonnes pratiques par rapport à l'argent, la règle du 10%, mettre 10% de notre épargne de côté, ouais, faire un budget, etc. Oui, le prochain livre, on s'en va à 100% dans la relation à l'argent, le savoir-être. C'est ça qu'on a besoin. Parce qu'on le sait tout, là, que des REER, ça en prend, que des CELI, qu'il faut faire un budget, on le sait tout, ça. On se fait dire ça là, à la semaine longue. Quelle belle lettre. Des CELI, des REER, des CELI. C'est super beau, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, puis on ne sait pas ce que ça veut dire. Puis, on parlait avant la pause d'entrepreneuriat, puis même tu as commencé un peu à en parler en première partie d'émission. L'entrepreneuriat, un autre mythe qui vient avec, c'est, on le sait bien, il y a sa compagnie, ça va bien, ah oui, il y a de l'argent, ben oui, il y en a, tu sais, tu en as parlé tantôt quand tu dis, tu as tout lâché, ton travail, tu as arrêté de travailler il y a un an pour te consacrer à ta passion qui était d'être un générateur de liberté, parler d'argent, vulgariser, démystifier tout ce qui a rapport avec l'argent. Par contre, c'est pas tout à fait le cas, là. C'est pas moi je pars une compagnie, puis demain matin, je vais avoir déjà un salaire. C'est pas tout à fait ben ça. Non. Combien d'entrepreneurs, moi je reçois mon micro parce que j'en reçois toutes les semaines des entrepreneurs, ben oui, qui viennent jaser avec nous. Combien d'entrepreneurs ne se versent pas de salaire ou on n'a aucune idée. Des fois, toi tu travailles pour une entreprise, tu vas t'asseoir avec ton patron, tu veux négocier ton salaire. Mais toi, tu veux négocier ton salaire comme employé, mais tu n'as aucune idée que ton patron, lui, ça fait 3 ans qu'il ne s'est pas augmenté son salaire puis qu'il gagne peut-être même moins que toi. Tu le sais pas, ça, dans le fond. Tu n'en as aucune idée. Et jumelle à ça, des tabous face à l'argent. Ouais. Mettons que ton patron, ça adonne qu'il y a une belle voiture, là. C'est à ça que je pensais. Hein? C'est exactement le ça. Ça peut mener vers des conflits. Tu sais, on parle de syndicats. Tu peux amener vers un conflit parce qu'au nom du fait que le patron a une belle voiture, mm-hmm, nous, on va se rebeller, on veut des meilleures conditions, nanana, nanana. On le sait bien, le patron, il a un beau char. Ouais, mais on le sait bien. Attends un peu, là. Premièrement, ton patron, quand il a commencé son entreprise, là, je ne sais pas combien d'années, 15, 20 ans, 30 ans, peut-être qu'il a été 5 ans sans se verser de salaire au début, puis tu n'en as aucune idée de tout ça, les risques qu'il a pris. Mm-hmm. Là, il est rendu, il a du succès. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'il est en affaires, il a du succès. Il a le droit de le vivre, son succès, là. Il ne l'a pas volé, ce succès-là. Il l'a travaillé. Puis le succès, c'est traître en tabarouette. Mm-hmm. Parce que tout ce qu'on voit du succès, moi, je le dis souvent, puis je ne l'ai pas inventé, là. Il y a plein de conférenciers qui en parlent, mais c'est comme un iceberg. Ce qu'on voit du succès, c'est la, ouais, base. C'est-à-dire, c'est ce qui flotte au-dessus de l'eau. La belle voiture, les beaux vêtements, la belle maison, les voyages. Ce qu'on voit pas, c'est du succès, c'est ce qui est en dessous de l'eau. Les heures de travail. Les sacrifices. Oui. Tu sais, tout ce que l'entrepreneur fait, des semaines de travail de 80-90 heures semaine, je veux dire, des nuits blanches à travailler sur tes concepts, ton entreprise, les défis qui arrivent, les problématiques. Il y en a en tabarouette en dessous qu'on voit pas. Fait que le succès, c'est pas une chose qui est facile du jour au lendemain. Ah, j'ai du succès, c'est plein d'affaires, le succès. Ben oui. Fait que ça, c'est plate parce que l'employé, souvent, il voit pas ça, il pense pas à ça. Pour lui, c'est comme, ben, moi, je pense à moi, mes petites affaires. Fait que oui, je veux gagner plus au nom du fait que mon patron, lui, il a une grosse voiture. Tu sais, dans la vie, t'as toujours le choix de faire ce que tu veux, là. Si t'es plus heureux dans ton travail, trouve-en un autre, là. Il y en a beaucoup aussi des employeurs que j'entendais qui disaient comme quoi qu'ils gardaient une vieille auto pour aller travailler. puis qui stationnaient pas nécessairement devant la porte. Qui, tu sais, c'est, il y a des places où est-ce que... C'est plate d'être rendu là, sérieux, parce que, je sais pas, on dirait qu'on a peur, on veut pas se faire juger. Puis tu vois, ça dépend des domaines. Dans le domaine immobilier, des services financiers, on dirait que c'est le contraire. T'sais, si t'arrives chez ton client et t'as pas une belle voiture, tu ben là, ton client va là penser aussi que t'as pas de succès, c'est ça. Fait que tu sais, ça va dans les deux sens, hein, ça? Oui. Tu sais, mon conseiller financier roule dans une Tercel 96. C'est-tu parce qu'il est pas bon? Moi, je te verrais ça à l'envers. Ou c'est parce que lui a compris quelque chose. Lui, il a compris que une voiture, c'est pas un investissement. Mm-hmm. Fait que tant qu'à avoir un gouffre financier qui est un automobile, ben aussi bien faire ça intelligemment. Puis, le côté entrepreneur, justement, il y a, tu disais que de plus en plus, la nouvelle génération se lance dans l'entrepreneuriat. Il y a peut-être une espèce de naïveté qui est super belle. De quoi tu me fais toi? Non, il y a Tania derrière toi, je voulais te dire salut. Ah, OK. Bonjour, Tania. C'est parce que François, on est face à face. Excuse-moi. Si tu envoies la main à quelqu'un en arrière de moi, je sais pas qu'est-ce que tu veux me dire ou qu'est-ce que tu veux pas me dire. Je te faisais des signes, Mélanie. J'ai pas joué au baseball, François. L'entrepreneuriat chez les jeunes est de plus en plus valorisé. On s'entend qu'il y a des émissions comme Les Dragons, etc. Tu sais, là, c'est rendu comme un peu la mode de se lancer en affaires, puis c'est vraiment correct. J'ai aucun problème avec ça. Ça fait-tu bien du monde cassé? Ben, l'avantage que le jeune a... C'est pas tous des inventeurs de Facebook et compagnie, là. Non. Bon, c'est ça. Maintenant, ce qu'il faut faire absolument, c'est de donner les deux côtés de la médaille. De dire, oui, l'entrepreneuriat peut t'amener à être libre financièrement, mais sache que il va falloir que tu travailles pour te rendre là, par exemple. Fait que ça, moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est extraordinaire parce que c'est des fichus de belles valeurs. Il faut être travaillant, il faut travailler en équipe, il ne faut pas lâcher. Tu sais, il y a des belles valeurs derrière l'entrepreneuriat. Mais il y a un côté qui a l'air facile. Ben ça, c'est plate que ça soit véhiculé parce qu'il n'y a rien de facile là-dedans. Fait que la personne qui se lance en entrepreneuriat puis qui elle se dit ben ça va être facile, elle va se planter là. Ça c'est statistiquement prouvé là. En même temps, si je te dis pourquoi que c'est pas facile, tu me répondrais quoi? Parce que ben, y a plein pourquoi de raisons. Ça serait pas facile? Pourquoi ça serait pas facile non plus? Tu sais, je vais des deux côtés. Ah, tu peux sais, te mettre dans un état d'esprit positif que ça va être facile, je suis d'accord. Sauf que la réalité, c'est que ça le sera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de la compétition, parce qu'il y a des étapes, parce qu'il y a des défis, parce que ça te prend de l'argent souvent pour te lancer en affaires. Tu l'as peut-être pas mis de côté. Tu sais, on parle beaucoup de mettre de l'argent de côté pour acheter une première maison. On parle du REA, du RAP, etc., etc. Ouais. Mais mettre de l'argent de côté pour partir en affaires, souvent, on en parle moins ou c'est moins véhiculé. Ça peut être aussi partir sur un coup de tête en affaires. Dire, ben écoute, moi, je veux me débrouiller, je veux y aller. Comme ça, j'ai des talents, puis je vais cogner aux portes, ça va marcher. Bon, ça, c'est une chose. Mais ça prend quand même de l'argent pour partir en affaires. De moins en moins, parce que... Où est-ce qu'on le trouve, cet argent-là? Ben, c'est une bonne question. Oui, il y a plein de programmes, mais il y a plein de contradictions et de contraintes aussi à aller à ces programmes-là. Ben, il faut s'informer. Il y en a de l'argent, c'est vrai qu'il y en a. Il y a plein de programmes qui existent, mais il faut rentrer dans les bonnes cases. Il faut que tu sois admissible à ça. Je te dirais, pars pas une entreprise en fonction de est-ce que tu vas être admissible à une subvention. Ça prend un pourquoi plus grand que ça derrière ça. Si ta motivation première, c'est de faire de l'argent, tu vas finir par te planter, tu sais. Faut que ton... Moi, je parle souvent du pourquoi. Faut que ton parce X soit grand. Que tu vas avoir une épreuve à passer, un défi un petit peu plus crunchy, là, ça se peut que ce soit là que tu lâches, tu quittes le bateau. Là. Ben oui, exactement. Fait qu'il faut que ton why soit assez fort pour que quand il arrive un défi, comme tu dis, que ça te fasse pas abandonner à la première affaire. Mm-hmm. Parce que oui, il va y avoir des impondérables, des imprévus. Puis lance-toi pas du jour au lendemain en affaire. Planifie-le. Le plan d'affaires, souvent, on l'aime pas parce que les banques nous exigent des plans d'affaires de 20-30 pages, puis ça n'en finit plus, puis il y a trop de détails là-dedans. Moi, un plan d'affaires, dans ma tête, c'est une page, c'est clair, simple, tu sais où est-ce que tu t'enlignes, puis voici c'est quoi mes compétitions, c'est quoi mon marché. Tu sais, tu peux faire un résumé de ça. Il y a un modèle qu'on appelle le Lean Business Plan. C'est pas compliqué, c'est une page. t'es capable d'avoir un tour d'horizon. Mais t'arrives chez le banquier avec ça, ça se peut. Non, ça marchera pas chez le banquier, mais de toute façon, chez le banquier, ça marche rarement, by the way. Pour les prêts entrepreneuriaux. Ben justement, faut-tu avoir de l'argent déjà pour emprunter de l'argent? Ouais. Il y a une logique qu'il n'y a pas. Faut que tu prouves à ton banquier que t'as pas besoin de l'argent pour qu'il te le prête. C'est un peu ça la règle de pouce. OK. C'est donc chiant, là, si on tasse ça de la table, qu'est-ce qui reste? Ben, qu'est-ce qui reste? Pourquoi que tu t'associerais pas avec quelqu'un qui vient te compléter? Parce que un entrepreneur, il faut qu'il soit comme une pieuvre. Il faut qu'il soit bon dans plein d'affaires. OK? Ouais. Faut que tu sois bon en marketing, en vente. Faut que tu développes ton produit, du contenu. Ça prend des contacts pour être un bon entrepreneur. Il faut que tu sois bon en gestion financière. Faut que tu sois bon pour tout le côté légal. Faut que tu connaisses ça. Tu sais, il y a plein de choses à faire pour être un bon entrepreneur. Fait que au lieu de faire ça tout seul, pourquoi tu t'associerais pas à quelqu'un qui vient te compléter? Mais là, faut que tu t'assures que tu as quelqu'un qui va te compléter à tous les niveaux. Au niveau de la relation à l'argent aussi, c'est important de le valider. Oui. Parce que si tu t'associes avec quelqu'un je veux dire, qui a la même folie que toi, mais qui n'a pas nécessairement les mêmes valeurs que toi en argent, ça ne fonctionne pas. Ben, ça pourrait ne pas fonctionner si tu ne le sais ça pas. Pourrait, ouais. Mais il faut que tu le saches d'abord. Tu sais, puis essaie de trouver des gens qui viennent te compléter. Mm-hmm. Si tu prends quelqu'un qui est pareil que toi, tu pars en affaire avec ton binôme. Je veux dire, vous n'aurez pas d'avantage à être deux. Là, tu sais. Ça s'apprend-tu à être entrepreneur? Puis oui. Y aller aussi avec l'argent. D'être capable de dealer avec l'argent, de jongler avec ça pour que ça puisse se faire tes projets. C'est un peu la base d'un entrepreneur. Je te dirais, si tu sais pas c'est quoi ta relation avec l'argent, lance-toi pas en affaires parce que tu pourrais te saboter aussi. À ce point-là, tu sais. Selon toi. Ah oui. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont une mauvaise relation à l'argent puis qu'ils ne font pas d'argent dans leur business puis ils savent pas pourquoi et puis ils se posent la question « Pourquoi ça marche pas mes affaires? Mm-hmm. » Si toi, tu sais, on parlait tantôt de juger les autres qui ont de l'argent puis tout ça. Tu sais, si tu as un double discours, d'un côté, tu fais le finger à celui qui a une belle voiture parce que tu dis, il doit être un crosseur, il a du ça, tu crues dans le bec, puis que tu juges les autres face à l'argent, puis d'un autre côté, tu dis, moi, je suis en affaires, je veux de l'argent. C'est un double discours, ça fonctionne pas, là. Non, parce que tu veux pas ressembler au crosseur. Tu te l'avoueras pas, mais c'est ça qui va arriver pareil. Exact. Fait qu'il faut cleaner ça, il faut faire du ménage là-dedans. Puis après ça, ben, l'entrepreneuriat, c'est merveilleux. Moi, je trouve que ce qui est le fun de ce qu'on voit, ce qui s'en vient, c'est toute la culture de l'échec. On a le Fail Camp depuis quelques années qui est à chaque année. Mais on met en valeur l'échec. Parce qu'en réalité, moi, je vis comme ça. Dans ma tête, un échec, ça n'existe pas. Tu te plantes jamais dans la vie. Mm-hmm. C'est tout le temps des apprentissages. L'important, c'est pas de répéter les mêmes erreurs, c'est d'apprendre de ça puis de faire ça différemment la prochaine fois. Ouais. Alors, si tu considères ça comme ça, ben ça enlève une pression immense. Parce que souvent, les gens qui n'osent pas se lancer en affaires, puis l'entrepreneuriat, là, tout le monde peut être entrepreneur. Ça se travaille, ces valeurs-là. Tu peux le travailler. Ça prend un désir ardent de vouloir faire la différence, de vouloir faire quelque chose. Ouais. Mais c'est accessible à tous. Mais si tu considères que le pire qui peut arriver, en réalité, même si tu te plantes, c'est pas grave, t'as appris. Moi, je me suis planté, j'ai eu des entreprises, il y en a que je me suis planté royalement. J'ai appris de ça. Ouais. J'ai eu des super beaux succès dans d'autres choses. Mais au bout de à la fin de la journée, je suis aussi content de mes succès que de mes échecs parce que j'ai appris dans les deux cas. Mm-hmm. Ça fait de moi un meilleur entrepreneur, une meilleure personne. Mais il faut le réaliser, il faut l'accepter. On va aller en musique, puis on va terminer, on va conclure après ça avec toi au retour. Puis tu vois, on va y aller avec Sally Folk 9 à 5. C'est bon ça. On parle de job, puis je pense qu'elle aime pas bien aimer ça. Yeah. On est rendu à la fin de semaine, toujours avec François Bégin pour les dernières minutes. On vient de parler d'entrepreneuriat, on vient de parler que c'est de la grosse job être entrepreneur aujourd'hui. Puis ça, on peut t'écouter les vendredis. Les vendredis. Les mardis matin, 9h à 10h, à CKRL 89h. Tu rencontres des entrepreneurs. Toutes les semaines. On rencontre une bonne gang. Là. Toutes les semaines, on en reçoit, on jase avec eux. C'est quoi leur vision du succès? Ça fait 2 ans que tu fais ça. Donc, pas tant encore, on a produit du contenu. Là, on en a reçu du monde. Là. J'ai reçu des entrepreneurs que personne ne connaît puis du monde que tout le monde connaît. On a reçu Serge Beauchemin, Anne-Marie Lozic. Ça a été... Anne-Marie Lozic, oui. C'est toute une entreprise. entrepreneur, ça. Mais oui, exact. En direct de la Californie. Ben mais, oui. Ça fait big. Ça fait big. Hein? T'as le goût d'être entrepreneur quand tu. Ça dépend de toi. Tu as affaire à aller en Californie. Oui, OK. Là, je pense. Non. François, mets pas des mots dans la bouche. Ben ils non. sont pas là. Mais non, mais non, mais non. J'oserais jamais. Mais. On est aux différents, tu sais. Ouais, c'est ça. On fait ça différemment. Fait que lâchez pas les entrepreneurs qui nous écoutent parce que c'est pas facile puis vous êtes des gens inspirants, vous êtes des gens qui travaillent sans relâche. Moi que vos enfants veuillent être entrepreneurs ou pas, je vous invite à participer à la grande journée des entrepreneurs. Ouais, c'est une belle façon de faire la promotion de l'entrepreneuriat chez nos enfants. Mm-hmm. Une question qui me revient souvent, c'est qu'est-ce que je peux dire à mes enfants pour les leur enseigner l'argent, la relation à l'argent, tout ça. Ma réponse est claire là-dedans. C'est pas ce que tu vas dire à tes enfants, c'est ce que tu vas faire. Parce que tes enfants sont des éponges. Ils t'observent, ils apprennent beaucoup de ce que tu fais. Alors, quand toi, tu dis une phrase du genre « on n'a pas d'argent pour ça ». Tu sais, ton enfant, des fois, il te gosse mm-hmm. parce qu'il veut avoir quelque chose. « On n'a pas d'argent pour ça, on n'a pas d'argent pour ça. Non, non, on n'a pas d'argent pour ça. » Tu es en train de dire à ton flow que l'argent, c'est pas bon. T'sais, à cause c'est de l'argent, je peux pas avoir ça. Non, ça, c'est pas une bonne façon de faire. C'est d'expliquer, de démontrer que oui, on pourrait l'acheter. Mm-hmm. Papa, il y a l'argent pour ça, mais si je le mets là, l'argent, je l'aurai pas pour d'autres choses. Il faut faire des choix face à l'argent. On peut pas tout avoir, parce que si tu veux tout avoir, tout de suite, c'est un peu ça la génération aussi qui la guette. C'est la génération YOLO, You Only Live Once. Tu veux tout avoir tout de suite, puis le monde t'appartient. Ça, c'est dangereux en consommation parce que ça t'amène à acheter tout de suite, mais à crédit. Parce que tu n'as pas épargné. Les taux d'épargne sont en chute libre, Mélanie. C'est fou. Hein? Moi, je recommande 10 % d'épargne. En France, c'est 15-20 % là-bas. Ça, tu parles de l'argent qu'on se met ouais, à de chaque, côté, à ça... chaque paye. Ouais. Donc, en Europe, 15-20 % certains pays. Ici, au Québec, 5 % On met 5 % de notre argent de côté en moyenne. Et on suggère 10. Ben, c'est sûr, mais c'est un minimum. Pas ça. Mais non, vraiment pas. On a du travail à faire. Fait que. De commencer tôt. Commencer tôt. Moi, mes enfants, là, ils ont 8 et 6, les boys. Là, quand ils gagnent un petit montant, soit un cadeau de Noël ou peu importe, 50 % de ça s'en va dans la tirelire. Ils peuvent le dépenser, faire ce qu'ils veulent avec. C'est à eux les oreilles. L'autre 50 % à la banque. On y touche pas. Ça va aller pour plus tard. Et on le donne pas à la banque. C'est lequel de tes gars? Ah oui, ça, c'était drôle, ça. Mais oui, c'est Émile. Pour Thibaut, il pensait que qu'il donnait Viens, son Émile, argent on va aller donner banque. Ton argent à la banque. Elle, il part à pleurer. Non, je veux pas le donner. Ben non, mais attends un peu. Là, je ne t'ai pas expliqué qu'on le donnait pas vraiment. Ah, fail. Fait que ça, faut choisir les mots. Fail là-dessus. Exactement. Il aurait fallu. Ben, oui. Mais t'apprends. Ben, c'est correct. On peut t'écouter, comme je disais, les mardis matins. Ah, ça ne tombe pas du ciel à CKRL à 9h, même case horaire que moi, le mardi. Exact. Sinon, il y a ton livre qu'on peut se procurer sur Amazon, version virtuelle. Électronique, sur mon site en version papier, puis les auditeurs. Puis on peut l'avoir aussi version papier. Ben oui. On peut le trouver où? Je suis en réimpression. C'est via mon site, on le commande sur françoisbégin.com. Je suis en réimpression. Je vais mettre les liens sur la page. T'es fine. Puis si vous voulez avoir un aperçu de qu'est-ce que ça donne, je vous offre gratuitement le premier chapitre de mon livre. Donc vous allez sur françoisbégin.com et vous pouvez le télécharger gratuitement. François Bégin, merci beaucoup. Merci, générateur de liberté. Bonne chance avec votre liberté. Oui. Puis je vous en souhaite parce que c'est beau la liberté, mais ça se bâtit, ça tombe pas du ciel. Merci François Bégin. C'est tout pour les différentes cette semaine. Un petit rappel, si ça vous tente, pour la dernière des différents, le 26 mai prochain, je vous invite à participer au concours. Puis c'est jusqu'à mercredi. Mercredi. Comment t'as dit ça? Mercredi. Mercredi, oui. C'est jusqu'à mercredi prochain que vous pouvez vous inscrire via la page Les Différents sur Facebook. Et puis, vous avez un sujet à proposer ou puis vous avez envie aussi de venir co-animer avec moi. Ben moi, je vous invite, je vous ouvre les portes du studio des Différents à CKRL. Il faut être disponible, c'est sûr, le 26 mai prochain, entre 9h et 10h, et disponible à Québec. Hein? Ça serait bien de vous avoir avec nous pour co-animer avec moi. D'ici là, écoutez, moi, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.